بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence inshallah ta'ala le deuxième cours dans cette nouvelle série, donc l'explication du chapitre du mariage tiré de Manhaj al-Salikin. L'auteur qui dit rahimahullah wa fil hadith يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه. Et certes dans le hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô les jeunes, ô les jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, qu'il le fasse. Celui qui a la capacité physique, financière ou autre. Celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, qu'il le fasse, car cela va donc lui permettre de plus baisser le regard et aussi de préserver, de plus préserver ses parties. Celui qui n'en a pas la capacité, c'est-à-dire celui qui n'a pas la capacité de jeûner, celui qui n'a pas la capacité de se marier, du moins, alors qu'il jeûne, car ceci est pour lui un bouclier, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité les jeunes de manière spécifique, parce que ce sont eux qui ont des désirs plus forts. De manière générale, les jeunes ont des désirs et des besoins plus forts que les vieux ou que les moins jeunes. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre l'importance d'aider les jeunes à se marier et de les orienter vers le mariage, car c'est pour eux une grande difficulté de supporter cette situation, le célibat. Et donc nous devons aider les jeunes afin qu'ils ne tombent pas dans les péchés, dans la transgression. Et aussi parmi les sagesses du mariage, il y a donc le fait que celui-ci permet à l'individu de plus baisser son regard et de préserver ses parties. Cependant, en réalité, ces deux éléments, le fait de baisser son regard et de préserver ses parties, ces deux éléments sont liés à la taqwa, la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Certaines personnes peuvent se marier et ne pas du tout baisser le regard, ne pas préserver leur partie, wal'iyadu billah. Et donc il est important, ô serviteur d'Allah, que tu craignes Allah. Et si tu vois que tu as en toi cette maladie, le fait d'être accroché aux femmes, de regarder les femmes, de ne pas baisser le regard, alors soigne-toi, n'attends pas de te marier pour soigner cette maladie. Car il se peut qu'avec le mariage, tu fasses souffrir ton épouse. Et donc, ô chers frères, barakallahu fikoum, ce sujet est très important. Nous devons tous accomplir les causes pour préserver nos cœurs. Et parmi les premières causes, il y a l'apprentissage. Et le fait d'obéir à Allah, le fait d'augmenter, d'accroître les actes d'adoration, de délaisser les péchés, cela va augmenter ta foi, t'aider à encore plus délaisser les péchés. Et celui qui n'a pas la capacité de se marier alors qu'il jeûne. Et donc on comprend ici, barakallahu fikoum, celui qui n'a pas la capacité de se marier, qu'il évite les causes qui vont éveiller chez lui le désir. Ce n'est pas que le fait de jeûner. Le fait de jeûner, c'est une cause qui va diminuer le désir. Et donc, tu dois aussi toi-même avoir d'autres causes. Le fait de choisir à quelle heure tu vas au marché, à quelle heure tu vas dehors, dans quel endroit tu vas, ne va pas dans un endroit où tu sais très bien qu'il y aura de la fitna. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, de mettre tout en œuvre afin de nous protéger. L'auteur qui continue, rahimahullah, elle nous dit, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, tunkahu al-mar'atu li arba', limaliha wa hasabiha wa jamaliha wa diniha, fadfar bidhati al-din, taribat yaminuk, muttafakun alayhi. Il dit l'auteur, rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, la femme est mariée pour quatre raisons. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous cite que la femme, de manière générale, les hommes vont se marier, lorsqu'ils vont choisir leurs épouses, ils vont faire attention à quatre points, quatre raisons, de manière générale. Quelles sont ces quatre raisons? Il les cite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son argent, son rang, sa beauté, sa religion. Et donc il nous conseille, quel élément nous devons prendre en priorité lorsque nous choisissons une épouse? Il nous dit alors, choisis celle qui a la religion, sans quoi tu auras tout perdu. Taribat yeminouk, c'est-à-dire que tu perds tout, tu te retrouves avec de la terre dans ta main. Et donc, tu as tout perdu. Et donc, tu as fait le mauvais choix. Si tu ne choisis pas la femme qui a la religion, tu as fait le mauvais choix. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il a utilisé le verbe « zafara ». Zafara qui nous montre que c'est une grande réussite en fait. Fazfar bizatiddin. Et donc choisis et atteint par la réussite celle qui a la religion. Parce que cette femme est comme un trésor. Car cette femme qui a la religion est rare. Oui mes frères, tu veux te marier, sache que mon frère, ma soeur, il vaut mieux que tu prennes du temps pour trouver quelqu'un qui est pieux plutôt que tu te précipites et que tu regrettes par la suite. Ne nous précipitons pas, faisons les bons choix. C'est très important pour éviter les regrets par la suite. L'imam Muslim rahimahullah qui nous dit dans son sahih, d'après Abdullah ibn Amr radiallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ad-dunya mata', la dunya est un délice. Wa khayru mata'i dunya, al-mar'atu saliha. Allahu Akbar. Et le meilleur délice de ce bas monde est la femme pieuse. Mais bien sûr, effectivement, le meilleur délice de ce bas monde est la femme pieuse. Hein, celle qui va être la cause de ton, une cause de ton bonheur ici-bas. Le fait que tu sois apaisé à la maison, que tu sois serein, que tu te sentes bien, heureux, que tu aies de l'amour chez toi. La femme pieuse et vertueuse. Mais qui est cette femme pieuse? Qui est cette femme vertueuse? Alors notez bien, barakallahu fikoum. La femme pieuse, la femme vertueuse est celle qui aime son Seigneur et qui le craint. Elle aime son Seigneur et elle le craint. Elle l'aime. Et donc elle suit le prophète qui l'a envoyé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle aime son Seigneur et donc elle va suivre le prophète qui l'a envoyé. Comme Allah tabaraka wa ta'ala le dit dans son livre, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dites, si vous aimez Allah, suivez-moi. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Alors là, Allah vous aimera. Alors là, Allah vous aimera. Et vous pardonnera vos péchés. Et donc cette femme, elle aime son Seigneur, elle suit donc le messager qu'il a envoyé. Et elle le craint, elle a peur de lui. Donc elle va obéir à son Seigneur en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Et en réalité, quand on médite bien, cela ne se fait que par la science, que par la connaissance, le savoir. Elle sait ce que son Seigneur lui a rendu obligatoire. Elle va donc l'accomplir. Elle sait ce que son Seigneur lui a interdit. Elle va donc le délaisser. Et donc, en réalité, cette femme, pieuse et vertueuse, elle apprend sa religion. Elle cherche à apprendre sa religion. Elle ne reste pas dans l'ignorance. Elle n'est pas satisfaite de cette situation de l'ignorance. Elle va donc s'efforcer d'apprendre sa religion afin d'obéir à son Seigneur, accomplir les obligations et délaisser les interdits. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala a cité quelques caractéristiques, d'autres caractéristiques de la femme vertueuse dans son livre. Il nous dit tabaraka wa ta'ala, فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Et donc les pieuses, obéissantes, qui préservent durant l'absence de l'époux ce qu'Allah a préservé. Elle va préserver son honneur. Elle va préserver l'honneur de son mari. Elle ne va pas donc dévoiler les défauts de son mari. Elle va préserver l'honneur de son mari. Elle ne va pas laisser des individus critiquer son mari parce qu'elle va mal agir ou montrer ce qu'elle n'a pas montré, ce qui va toucher à l'honneur de son mari. Elle va préserver les biens de son mari. Elle ne va pas utiliser son argent, ses biens, d'une manière qui ne lui plaît pas, d'une manière qui soit injuste. Elle va préserver l'honneur et les biens de son mari, cette femme vertueuse. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit concernant les femmes vertueuses, muslimatin, mu'minatin, qanitatin, سَيِّبَاتٍ عَبِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا. Musulmane, croyante, obéissante. Elles sont obéissantes, mais elles peuvent commettre des péchés comme tout le monde. Et donc, il nous cite tout de suite après avoir cité obéissante, Allah tabaraka wa ta'ala dit سَيِّبَاتٍ, elles se repentent. Elles sont obéissantes et donc lorsqu'elles commettent un péché, elles ne sont pas satisfaites. Elles n'aiment pas rester dans cette situation. Elles vont se repentir. Elles vont admettre que leur tort. Abidat, des adoratrices. Elles s'adonnent à l'adoration et ne perdent pas leur temps dans des futilités, les réseaux sociaux et autres. Les séries télé. Elles jeûnent, elles cherchent à se rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elles vont jeûner, qu'elles soient vierges ou pas, sayyibatin wa abkara. Et donc, ô chers frères, voyez-vous ces caractéristiques que nous avons citées concernant la femme vertueuse? Alors, sachez que la femme, elle aussi, elle va choisir un époux vertueux qui a en lui ces caractéristiques que nous avons citées précédemment. Certains ont du mal dans leur pratique religieuse et veulent une femme qui a une très bonne pratique en se disant elle va me tirer vers le haut. Tire-toi déjà toi-même vers le haut. Commence par toi-même avant d'attendre que d'autres te tirent vers le haut. Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil respectif As-Sahihain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Arwahu junudun mujannada Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Les âmes, ah, le sujet du mariage, donc forcément le sujet des âmes. Les âmes sont des armées alignées. Des armées alignées. Qu'est-ce qui est voulu ici? Il nous explique, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celles qui se reconnaissent s'unissent, et celles qui ne se reconnaissent pas se séparent. Elles ne restent pas ensemble. S'il y a deux armées, l'armée A qui se bat contre l'armée B, tu ne vas pas voir des soldats de l'armée A rester assis avec des soldats de l'armée B, plaisanter. Bon, alors c'est quand est-ce qu'on commence ? Ah, c'est demain la bataille. Bon, écoutez, venez, on plaisante un petit peu avant la bataille, etc., etc. Non, ça ne se passe pas comme ça. On ne va pas citer de nom d'armée, mais que ça soit des armées musulmanes ou non musulmanes, chaque armée est de son côté. Et les soldats de chaque armée ne vont pas plaisanter avec les soldats de l'autre armée. Et pareillement pour les âmes. Celui qui est pécheur, transgresseur, criminel, n'est pas à l'aise avec les pieux. Il s'ennuie avec eux. C'est ennuyant d'être avec eux, ils sont tout le temps dans l'adoration, etc. Il ne se sent pas bien. Celui qui est pieux, il se retrouve dans un milieu où il y a des braqueurs, des voleurs, des dealers. Il ne se sent pas bien. On lui dit quoi ? Tu as peur d'eux ? Non, non, je n'ai pas peur d'eux. Mais je ne me sens pas bien ici. Et donc tu veux une femme pieuse ? Fais très attention. Car si toi-même, tu as des manquements, de lourds manquements dans ta religion, tu vas la faire fuir. C'est pour ça que je dis, tire-toi toi-même vers le haut, avant que elle prenne la fuite, et qu'on ait un divorce par la suite. Et d'ailleurs, il y a une phrase très connue chez les gens de science. Et toujours ala eshkaliha taqa. Ala eshkaliha taqa. Et donc, les oiseaux se posent avec leurs semblables. Le colibri va se poser avec le colibri. Tu ne vas pas voir un colibri se poser avec un merle. Tu ne vas pas voir un merle se poser avec une autre espèce d'oiseau. Mais chaque espèce se pose avec, donc chaque oiseau d'une espèce se pose avec la même espèce qu'elle, tout simplement. Et c'est ainsi que sont les âmes, elles sont apaisées avec leurs semblables. Ibn Taymiyyah rahimahullah, il cite ce proverbe et il dit wa hadha masalun sahih, et ce proverbe est vrai. Yuwafiqu sunnat Allah fi khalqihi. Ce proverbe est en accord avec la sunna d'Allah sur ses créatures. Et donc ce qui se répète chez les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors le conseil que je donne à ceux qui sont convertis, qui cherchent une épouse, ou celles qui cherchent un époux, ou ceux qui viennent de découvrir la droiture et qui cherchent un époux ou une épouse. Le conseil que je vous donne, ô mes frères, mes sœurs, est d'apprendre votre religion. Apprenez un peu afin que vous ayez la capacité de choisir un époux ou une épouse vertueuse. Beaucoup, lorsqu'ils viennent de se convertir ou lorsqu'ils viennent de découvrir l'istiqama, la droiture, vont se précipiter à se marier. Ils ont un besoin, et je comprends qu'ils ont un besoin, mais ils n'ont pas la capacité de choisir un époux ou une épouse vertueuse. Ils ne savent pas encore ce que c'est. Quelle est la croyance authentique ? Quelle est la pratique correcte ? Comment on fait pour savoir qui est un épouse vertueux ? Ils n'ont pas la capacité. Ils vont donc se précipiter, choisir un époux ou une épouse, et ensuite avoir des regrets lorsqu'ils vont avancer, appliquer, comprendre, etc. Et donc le conseil que je donne, c'est si vous pouvez patienter, apprendre un peu, le temps que vous connaissiez les bases de votre religion, que vous ayez la capacité de faire la différence entre une personne vertueuse et une autre, alors attendez un peu, le temps que vous ayez le temps de faire cela. Et nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continue demain. Bi'idhnillahi ta'ala, waffaqallahu al-jami'a.